Transformer selon le modèle. Personne ne m'écoute, je m'en vais. Puisque personne ne m'écoute, je m'en vais. Tu sors, achète du pain. Puisque tu sors, achète du pain. Il pleut, rentrons à la maison. Puisqu'il pleut, rentrons à la maison. Tu ne m'aimes plus, va-t'en. Puisque tu ne m'aimes plus, va-t'en. C'est dimanche, on peut se lever tard. Puisque c'est dimanche, on peut se lever tard.